les valeurs avant tout, je compte d'amour pour mes frères par le bas. Les valeurs avant tout, j'ai trop d'amour pour mes frères. Mon lobby, tu lâches, tu te déplaces, tu payes les prêts. Non, ça c'est pas cher, quand tu parles respect au nom. Celle-là c'est beaucoup mieux, quand tu me suis à genoux. Je suis dans la maisonnette, avec vous chez Manon. Mettez la veilleuse où vous êtes en capuchin. Elle me demande combien de cordes à mon arc, combien de flèches à tirer. Si par succès je suis attiré, vu que rien me fait peur, elle connaît mes textes par cœur. J'ai la baffe et elle a mis mon cœur par terre. Je peux pas fumer sur ton joint, toi tu connais pas le terre. Pour faire des prods, non, à la fête j'ai pas le temps. Ils ont trop présent, t'offres ça comme présent. Beaucoup 30 dedans, vend la cam sans faire de don. Ce qu'on fait c'est pas ton dos, sache petit j'ai pas ton temps. Mental de Vegeta, tous mes potes sont pas contents. T'es maro, star, ten, stop, passe à rapport. Et cherche un rappeur pour sexuel rapport. La TP du bruit, ce que les médias rapportent. Au rap game, fraîcheur on apporte. Deux doigts d'entrée, ça chatte, j't'apote. Me parlerai pas, j'avais moins de potes. T'attends, t'écartes la tête, tu copes. Piraterie, pas d'autre méthode. J't'ai mal les hommes, plus rien ne m'étonne. Elle fait du charme, juste pour consommer. Sous un shooter, plus rien ne fonctionne. C'est ce que les shit, j'en chie des tonnes. Lions ont trop présent, t'offres ça comme présent. Pogo 30 dedans, vend la cam sans faire de don. Ce qu'on fait c'est pas ton dos, sache petit j'ai pas ton temps. Mental de Vegeta, tous mes potes sont pas contents. Pull up sous ces négros, ils sont faibles. Ils savent pas rappeler ses valeurs pour se laisser faire au state. J'aurais pas loupé, on sait, faut tirer. Je savais mal, je le fais mieux que toi. Toi, habite à putain en Puma, yeah. J'écoute du riz, je cours, yeah. Mon négro, je suis roi des ronces, yeah. J'ai vu des crawls qui tombent, yeah. Coup de machette dans sa tronche, yeah. J'aime bien ma meuf, mais je vais à deux Kidini. Quand j'en sa poule, je en vrai, je suis un copain, je crie. Toujours ce négro des îles, sauf que maintenant, je suis dans la ville. Pas le racisme, je suis dans ta fille. Fort à plein, dans vos métis. Ouais, chez toi, mais en vrai, tu l'équipes pas. Vrai, plus fort que toi, c'est mieux que tu dises pas. Vrai, Lions ont trop présent, t'offres ça comme présent. Pogo 30 dedans, vend la cam sans faire de don. Ce qu'on fait c'est pas ton dos, sache petit j'ai pas ton temps. Mental de Vegeta, tous mes potes sont pas contents. Lions ont trop présent, t'offres ça comme présent. Pogo 30 dedans, vend la cam sans faire de don. Ce qu'on fait c'est pas ton dos, sache petit j'ai pas ton temps. Mental de Vegeta, tous mes potes sont pas contents. Lions ont trop présent, t'offres ça comme présent.